Le lendemain, à 20h, elle sonnait à la porte. Elle affichait un bon sourire, une coupe de cheveux très courte qui la rajeunissait, et son éternel sac de toile à l'épaule semblait plus gros et plus lourd que d'habitude. « Vous avez perdu vos clés ?»« Non, mais aujourd'hui je suis en visite. » Et quand on visite quelqu'un, même un ami, on sonne à la porte. Nous avons parlé de sa première journée, trinquée aux suivantes, nombreuses et pleines de belles choses. Je la sentais en joie, l'esprit affûté, le regard attentif et malicieux. Un petit mono, pas d'effet du tout, requinqué à neuf, prêt à la migration lointaine, en quête de printemps poétique, un moineau costumé hirondelle. La veillée dura longtemps, mais les heures semblaient des minutes. Elle s'est levée, a ouvert son sac de toile, et en a versé le contenu sur la table. « Tout est là, » me dit-elle. « C'est ce qu'on appelle vulgairement un baiser en ville. Ça vous choque ?»« Pas du tout. Vous trouvez peut-être que c'est trop rapide ?» Je la regardais, étonnée, me demandant si elle était sérieuse. « 14 mois d'attente, je n'appellerai pas ça de la rapidité, » dis-je en riant. Après, nous nous sommes glissés sous les draps en espérant que M. Maréchal ne regarderait pas un match de foot. Après, ces choses-là ne se racontent pas, hein. Je peux juste dire que nous avons fait l'amour d'une manière très sage, sans quitter un instant le vouvoiement. Et cette particularité ne manquait pas de charme. Certes, un charme désuet. Mais le plaisir était au rendez-vous. Et le plaisir se fout pas mal de la désuétude. Madame Robert s'aimait comme elle parlait, en longues caresses humides et douces, bien tournées, la ponctuation mise au bon endroit. La semaine qui suivit fut bien remplie. Avec l'aide d'une assistante sociale fort compétente, nous avons réactivé le réseau administratif sans lequel aucun citoyen ne peut respirer librement, sauf s'il fait la manche devant l'église Saint-Sauveur. Le pognon ne manquait pas. La saison des pressions profondes avait été très économique pour elle et pour moi, car mes finances étaient liées aux siennes, comme les doigts de la main. Ces achats compulsifs, de l'autre côté de la rue, vidaient mes caisses. L'apaisement dépressif les renflouait. En période bleue, nous avons fait du shopping de première nécessité. Elle jouait la prudence, vérifiait l'étiquette caisse, recomptait la monnaie. Après la débauche, une peur panique de manquer s'empara d'elle. Nous sommes retournés à la bibliothèque. Madame Fargeau ne fut pas étonnée de nous voir, ou bien elle fit semblant. Pas même un haussement de sourcils, mais un sourire avenant. Le livre de Virginie Despentes était disponible, mais trop tard. Avant de repartir, j'ai insisté pour que Madame Roberts vienne s'asseoir dans le salon de lecture. Je lui ai montré la porte. « C'est ici que je vous ai vu la première fois. » Elle a dit « Je m'en souviens, il pleuvait ce jour-là. » J'étais en convalescence. J'ai rappelé l'œdème de Quing. « Le nom vous a fait rire, vous vous êtes moqué de moi, n'est-il pas ?»« Oui, mais ça, c'était la deuxième fois, parce que j'avais espéré très fort vous revoir et vous êtes revenu. »« Oui, en convalescence, je fréquente plus assidûment l'endroit. » Madame Fargeau nous observait tout en classant des fiches. J'ai ajouté « Grâce à vous, j'ai beaucoup lu. » Ainsi l'espérance me semblait moins pénible. Elle me regarda. Dans ses yeux, on voyait une joie timide qui n'osait pas. De mon côté, jamais je n'aurais osé lui avouer que l'espérance, cette espérance de la revoir un jour, elle avait duré longtemps, si longtemps, si longtemps, elle fut si douloureuse que toute lecture était devenue impossible. Et avec une lenteur prudente, comme par anticipation, j'avais viré foldingue sans bien comprendre ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, tout est plus clair. Et je dis, elle n'a pas relevé. Dehors, le temps était revenu à la pluie. Nous avancions, serrés l'un contre l'autre, sous le pébroc devenu un petit coin de paradis, comme chantait le poète. Je m'efforçais de la protéger au mieux de la flotte, lui éviter la douche froide, surtout qu'elle ne se mouilla pas les ailes et du coup c'est moi qui prenais. Mais quand on aime, on ne compte pas les gouttes. Le jour suivant, un mercredi, je l'ai accompagnée au service de jour. Comme il se trouve à côté, je suis retourné à la bibliothèque. J'avais 2 heures à tuer. Le livre d'Émile Ajar semblait m'attendre, un peu vexé, un peu corné de mon infidélité. Je lui ai présenté mes excuses, et puis j'ai repiqué à l'histoire. Et cette fois, j'étais de tout cœur avec la chanteuse réaliste. Une salope de première qui avait abandonné son mec pendant la guerre, qui l'avait laissé crever d'angoisse au fond d'un trou, mais elle voulait oublier la vacherie. C'est pas beau, la guerre. Et maintenant, elle était prête pour la rédemption. L'ancien boxeur, je comprenais mieux son rôle. Il voulait blesser personne. Un gentil, en somme, qui aurait pu faire carrière chez les petites sœurs des pauvres, troquer les gants de cuir pour des mitaines. Et plus je le regardais, le boxeur, plus je trouvais qu'effectivement sa tête cabossée ne lui ressemblait pas. La chanteuse réaliste avait une tête de chanteuse réaliste. Le vieux juif qui avait fait fortune dans le prêt-à-porter, une tête pareille. Mais pas le boxeur, non. Le boxeur, t'aurais dit, comme pour Madame Bron, une contrefaçon de boxeur, arrivé de Chine, avec une notice en coréen. J'attendais devant le service de jour. Il faisait nuit. La pluie était partie ailleurs. Madame Roberts est arrivée, radieuse, une barquette en plastique dans les mains, portée comme le Saint-Sacrement, elle a dit. Je ne sais s'ils arriveront à me guérir, mais en tout cas, nous ne mourrons pas de faim, ce soir. Sur leur tour, nous avons débattu à propos de cette thérapie que le sous-préfet lui avait imposée. Elle n'y croyait pas un seul instant. Toutes les recettes du monde ne suffiraient pas à combler le vide qui était en elle, un vide provoqué par l'absence de sa fille. Ils veulent faire de moi une cuisinière accomplie. Moi, je veux juste revoir ma fille. Peut-être, ai-je dit, mais si cela peut vous aider à mieux supporter. Elle m'a coupé. Je ne veux pas qu'on m'aide à mieux supporter. Non, je ne veux pas. Vouloir mieux supporter, c'est comme vouloir oublier. Le veau Maringo était excellent. Pour me faire pardonner, je lui parlais de sa fille restée là-bas, loin, sur une petite île des Antilles, minuscule point de la mer des Caraïbes, un point semblant inaccessible. Mais aujourd'hui, à l'ère du Boeing 747, plus rien n'est inaccessible. 8 heures de vol, c'est le temps que nous allons passer ce soir à parler d'elle. Vous aviez raison tout à l'heure. Il ne faut pas apprendre à mieux supporter l'absence, mais apprendre à ordonner les retrouvailles. Ne plus être dans l'attente, mais dans le mouvement. Je pense aujourd'hui que mes conseils n'avaient aucune chance d'être entendus. Le mouvement, elle ne faisait que ça, tous les jours, sur toutes les routes. Sans cesse, elle s'écorchait les pieds à la recherche d'une solution qu'elle ne trouvait jamais, parce qu'elle empruntait des chemins de traverse jonchés de mines. À bout de force, elle retombait dans son sous-sol, repassait du mouvement à l'attente, mais une attente ankylosée par les médocs ou survoltée par une bouteille de rhum. Nous avons mis au point une stratégie d'attaque non violente qui passerait par la guérison d'abord, le pognon ensuite. Sans le pognon, rien ne pouvait se faire. Elle allait devoir ligoter ses pulsions d'achat, mener à la baguette ce fric indiscipliné qui filait en droite ligne du bureau de poste à une boutique de produits souvent inutiles. Je l'aiderai. Ce soir d'intense complicité, la fille de Madame Roberts fut fringuée à neuf, jupe plissée sous les vernis, extension dans les cheveux façon rasta, permis de conduire, agrégation de lettres, un poste d'enseignante. Elle ne choisirait pas moins que Paris, évidemment. Nous étions tous les deux en contemplation devant la fillette, et c'était à qui en rajouterait. Cette nuit, nous avons fait l'amour à l'admiratif présent. Au mur, le portrait qu'elle avait peint de moi nous regardait, complice, mais à rien sarcastique. Peu à peu, elle se livra sur sa vie passée, les années d'avant, dans une autre ville, avec d'autres personnes. Elle était née dans une famille bourgeoise, avait suivi de bonnes études et appris les bonnes manières, comme on dit. Une fille unique, mais pas chouchoutée, au contraire, tenue à l'écart du couple, un couple trop préoccupé par le paraître, la façade en perpétuel raballement, le « quand dira-t-on au bout du fusil ?» Elle avait très vite compris qu'en dehors du livret de famille, rien ne la rattachait vraiment à ces gens-là. La mère, médecin généraliste, quittait la maison chaque jour, du lundi au vendredi, pour se rendre à son cabinet. Le père, fils d'un gros entrepreneur de la région, était censé rejoindre l'entreprise paternelle aux mêmes horaires. Il fallut 10 années à la mère pour s'apercevoir que le père n'allait jamais au charbon, qu'il restait dans sa chambre à lire des catalogues et faire des réussites. Ils ont divorcé l'année suivante. Dans le genre confidence, il était à son maximum, mon petit piaf. Pressé d'en connaître plus, je lui demandai ce qu'il avait amené aux Antilles. Son explication fut encore plus extravagante que le paternel qui refusait d'aller bosser. Elle était encore très jeune, mais avait terminé ses études. Un soir, dans le métro, elle s'était trouvée assise en face d'un homme, et tout de suite, elle avait senti une force l'envahir, une attirance irrésistible autant qu'inexplicable. « Je veux me marier avec vous », qu'elle a dit tout de go. Le mec a dû être surpris, tu parles. Mais il a joué le jeu. Pourquoi ? Va savoir. Ils se sont donné rendez-vous une 15aine de jours plus tard, à Orly. Car le gars était guadeloupéen et voulait se marier là-bas, à cause de la famille, qu'il disait. Alors, 15 jours plus tard, elle embarquait à Orly sur un vol Air Caraïbes à destination de Pointe-à-Pitre. Mais toute seule. Du bout de lèvres, je demandais « Qu'est-ce qui vous a pris de faire une demande en mariage à un inconnu ?» Ce n'était pas un inconnu, c'était l'homme que j'avais choisi, l'homme qui me plaisait. Le procédé n'était pas conventionnel, mais au moins, il avait le mérite d'être franc. Et puis finalement, je me suis marié là-bas. Je n'écris pas ça pour faire de la page, non, j'essaie de comprendre. Les pistes ne sont pas nombreuses, pas toutes probantes non plus. Mais là, le coup de la demande en mariage, on se rapproche, me semble-t-il, du premier étage, de la dinguerie épaisse enrobée de logique. Je dépense mon argent parce que je suis une consommatrice. Je fais une demande de mariage à l'homme que je vais épouser. L'idée générale est convenable, c'est la méthode employée qui déconne. Elle voulait connaître aussi mes antécédents et surtout cette histoire de clochardisation à laquelle elle ne croyait pas vraiment. J'ai tout raconté, mais à ma façon. Le crasseux amer bien baligeonné de guimauve, des parents plutôt gentils, partis trop vite, une sœur aînée soignante aux petits oignons, mille petits boulots, mille tracas. Pareil à des milliers de gens. Et la période clodo, un accident de parcours très limité dans le temps. J'ai rien dévoilé sur la zonzon, par crainte. Je remarquais souvent, la misère, les hardes et les croûtes aux mains sont moins effrayantes que le costume rayé. La pitié plutôt que la trouille. À chacun son choix. Je ne suis pas différent. Sauf que chez moi, c'est la trouille qui l'emporte. La trouille de la disparition. T'as une vie bien remplie, en loque ou en costard à rayures. Une foule de gus qui la traverse, l'occupe soir et matin que c'est un vrai hall de gare. Et puis tout ça disparaît furtif, au compte-goutte. Tu te réveilles un matin effaré. Ils sont où, les amis? Disparus en vieillerie ou dans la boîte à clous. Sûr, c'était pas du grand monde, bien propre et poli, mais ils te causaient. Ils faisaient du boucan comme à la foire. Avec Madame Roberts, la trouille s'éloignait de quelques pas seulement. Quand elle ne disait rien, pas même avec les yeux, pas même un geste, c'était encore de la mélodie, une musique d'ascenseur moderato cantabile, et je savais qu'il fallait savourer en vitesse, les oreilles grandes ouvertes, avant l'arrivée du grimpant au premier étage. Nous avons beaucoup parlé, elle et moi, comme des provisions de bouche que l'on s'offre mutuellement, des sortes d'encas, en cas de séparation, en cas d'un long voyage. Colette aurait ajouté une petite laine pour l'hiver. Ah, comme j'aurais voulu vivre un hiver entier avec elle. Bien au chaud de la couette, du café matinal, des histoires de mari choisis dans un métro, des farces au détriment de Madame Bron et le veau maringot du sous-préfet. Nous avons aussi beaucoup ri. De sa part, c'était jamais de la grande esclave, plutôt un rire en retenue, qui s'excusait par avance, et toujours, j'essayais de régler mon rire sur le sien, d'être au diapason. Elle était très moqueuse des autres, sans méchanceté, moqueuse d'elle-même avec modération, et bien sûr, moqueuse de moi, car il y avait matière. Rien ne la mettait plus en joie que de me voir abriter une à une des pièces jaunes dans la tirelire. La première fois, elle avait dit « Si c'est pour vos vieux jours que vous thésaurisez, vous n'aurez jamais le temps de remplir le petit cochon. » Une autre fois, elle avait glissé un billet de 5 € dans la cagnotte en précisant « Moi aussi, je thésaurise pour ma pension de reversion. » Un matin, alors qu'elle avalait une pilule et que je l'interrogeais, elle lança « Je lutte contre l'obsolescence programmée. » De Madame Bron, elle disait qu'avec un peu plus d'ambition, elle aurait pu faire le ménage, bénévolement, dans une résidence de luxe, ou encore être dame de compagnie d'une vieille aristocrate ruinée.